je veux pas tester. Le hip hop de rue, c'est mon contexte. Avoue-toi vaincu, dès que je t'ai rentré dans mon deck, si tu contestes. Texte contre texte, je te mets à l'ouest. Mec, c'est dissident, dangereux comme la peste, tu peux pas tester. Le hip hop de rue, c'est mon contexte. Avoue-toi vaincu, dès que je t'ai rentré dans mon deck, si tu contestes. Texte contre texte, je te mets à l'ouest. Mec, c'est dissident, dangereux comme la peste. Hey yo, je viens de donner ce que depuis toujours tu voulais avoir. Ce que d'habitude tu peux pas voir. Je crache dans ton bavoir. Mes rimes ton calvaire, faut que je me calvaire. Style qui pèse même s'il y a pas le vert. Je suis l'MC Val-de-Marne, un chien sans harnais. Le genre de nom à inscrire en gros dans ton carnet. D'adresse, c'est sans rouge, le mec à l'adresse. Docteur de face, tes mains au mic, comment je l'adresse. Progresse tranquillement, avec une fausse grâce, une grosse basse. Écœur l'MC comme une meuf trop grasse. L'instru, je l'agresse, avance avec allégresse. Pour que la route tombe plus vite, s'il faut, les vies, je les graisse. Faut qu'on pèse, les gars, toutes mes idées léguées. OMC délégué, champion du monde comme Trezeguet. Un texte en scène, égo, trip, pour l'ego. Et s'il y avait clip, plus d'une mouillerait dans son slip. Tu peux pas tester, le hip hop de rue, c'est mon contexte. Avoue-toi vaincu, dès que je t'ai rentré dans mon texte, si tu contestes. Texte contre texte, je te mets à l'ouest. Mec, c'est dissident, dangereux comme la peste, tu peux pas tester. C'est vrai que pour le moment, le rap fait pas rentrer les pépettes. Je passe mon temps à traîner en bas, tout en sapant en survêt. Exécute, l'MC contrefaçon, le Mexit. Représente l'underground, industrie en déficit. Sollicite, l'appui des substances illicites. Nesbill, talent tueur, du poste complet bicite. Verbal brolique, bientôt on va foudroyer les bacs. Pour rouler en Cadillac, on s'organise, partout ça monte des black labels. Des Lacoste stars convertis en PDG footer de Sbel. Laisse des séquelles, sur la musique tu sais qu'elle. Ma bouche crache mes tripes et recommence, c'est pas nickel. Ce qui en résulte, méga exude quand y'a tumulte. Une clique de marabout, des boules douées d'une puissance occulte. Rap sauvage, enragé comme un lion en cage. Mets de l'action dans mon couplet, appelle-moi Nicolas Cage. Je pas teste, le hip hop de rue c'est mon contexte. Avoue-toi vaincu, dès que je t'ai rentré dans mon texte, c'est du contexte. Que je suis paré, qu'ils peuvent pas me comparer aux faux MC qui cassent l'ambiance, vont tout foirer. Je cause tellement de dégâts qu'ils m'appellent tous l'enfoiré. Mes deux sens m'épaule, mon équipe mes deux épaules. Placé en pole position, coriace mec qui contrôle mon sédatif. Attractif quand t'es négatif, c'est positif. Dans le cadre de mon objectif, vendre par milliers ou bien peut-être par millions. Ça deviendra familier quand tu m'appelles le champion. Mon phrasé unique, méthodique, verbal brolique. Musique authentique, clinique, ton vocal antique. On dit que je m'entête trop, peut-être que je m'inquiète trop. Un seul truc en tête, pas faire la quête dans le métro. Ton flow plutôt rétro, fait que je te vois dans le rétro. Ma tête a pas rétro, et là tu dis que j'en fais trop. Tu peux pas me test mec, je te crame quand tu baisses ton front. Pense pas me test mec, sinon du rap tu passes au rock. Sinon du rap tu passes au rock. Je peux pas tester.